DJ Mix pour vous dans Planet Mix sur Radio Mix Floor. mix de Saint-Anthony. Allez, bonne soirée tout le monde, le Pet Mix de l'été, ça continue évidemment ici jusqu'à 22h avec au platine Alex de Saint-Anthony. C'est ça qui est bon, n'a dit pas où, c'est un petit peu là, ce soir si vous êtes posé un petit peu chez vous là en mode barbecue, en mode apéro, attention évidemment à consommer avec modération. Puis si vous sortez ce soir, je le répète, mais très important, il peut sauver votre vie, c'est votre Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, vous êtes peut-être en vacances, bah profitez bien évidemment, et forcément, si vous voulez réagir avec vos messages, Pet Mix de l'été, hashtag sur Twitter, sur Facebook, Alex de Saint-Anthony, ici même jusqu'à 22h, bonne soirée.

DJ mix pour vous dans Planet Mix sur Radio Mix Floor. We'll be right back. Bonsoir à tout le monde, le Planet Mix de l'été avec Alex de Santoni. Tous vos messages là comme David de Nîmes, là, j'adore Planet Mix, bah merci à toi, ça fait bien plaisir. En mode barbecue avec les potes, là bah, on est là ensemble, hein. Jusqu'à 22h on lâche rien, ça se passe comme ça, Alex de Santoni au platine. Jusqu'à 22h on est là ensemble, et bah d'ailleurs il va prendre le micro, bah on va le faire parler un petit peu, le Alex de Santoni qui quitte les platines pour parler le micro. Ça va mon pote, la forme? Bonsoir à tous, comment ça va? Bah écoute très bien, je me suis dit bon je vais pas à 21h comme ça en train de mixer, le mec il sait mixer, il sait parler le micro en même temps, ça c'est un DJ, hein. Ah, ça va bien la forme? Ouais, ça va, tranquille. Depuis mercredi dernier? Bah ouais, nickel. Un peu chaud dans les studios, hein, on va pas vous le cacher qu'il fait pas chaud partout en France et même dans le studio de la radio. Donc voilà, en tout cas, Alex de Santoni au platine jusqu'à 22h. Bah vite fait, alors, un petit peu tes actus là, en deux minutes, là, qu'est-ce qui se passe là, dans les prochains jours pour Alex de Santoni? Bah demain soir, je joue au Labo des Gars là, pour un birthday spécial, c'est sur Dunkerque. Ouais. Vendredi, on me retrouve au The Place avec mon compagnon Fonce. Ouais. Et ça se passe à Dunkerque, c'est ça? Ouais, space. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et dimanche, on fait une session vinyle en plein après-midi avec le beau soleil sur la terrasse, sur la plage. Eh ben, franchement, je peux vous dire que avec une petite bière en terrasse à consommer évidemment avec modération, ou un petit coca à la plage comme ça avec Alex de Santoni au platine, je peux vous dire que c'est à la cool. On est bien. Et ben voilà. Ben, merci en tout cas, Alex de Santoni. On se retrouvera tout à l'heure jusqu'à 22h au platine. C'est bien lui. Il est là ensemble. Deep House jusqu'à 22h. C'est Planet Mix de l'été. Merci d'être avec nous. Bonne soirée. Radio Mix Floor Live au platine, Alex de Saint-Anthony. After dark. $15 and the

Le son de Alex de Santoni dans le Planet Mix de l'été, ensemble jusqu'à 22h. Merci d'être avec nous, ça fait bien plaise. N'oubliez pas, demain, le morning de l'été, 10h midi. Et puis, ça a été annoncé officiellement ce soir, la rentrée Radio Mix Floor, lundi 5 septembre, avec la libre antenne d'Alex. Restez connectés sur la page Facebook, ça arrive évidemment dès demain avec plus d'informations. Et puis vos messages également, comme Ludovic du Calvados, là, j'adore le son de Radio Mix Floor. Et puis dédicace à mes potes là-bas, merci à vous, en tout cas ça fait bien plaisir. En mode barbecue apéro, bah attention, hein, n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci d'être avec nous, 21h passées de 32 minutes, c'est ici que ça se passe. Alex de Santoni au platine jusqu'à 22h, welcome tout le monde. Radio Mix Floor Live, au platine, Alex de Saint-Anthony. We'll be right back.

m'en veux pas, j'suis comme ça, t'en vas pas, j'suis là, ne m'en veux pas, j'suis comme ça, pense à moi, une fois, dis-moi qui es-tu pour me juger, même si j'ai fait du mal et j't'ai blessé, si tu savais ce que j'ai eu, ce que j'ai laissé, sache qu'on ne m'a jamais aidé, pardonne-moi.